partie de rien. Mais elle y croit quand même, seule face à son destin. Et elle s'en donne la peine. Je suis